إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإياكم والمسلمين من عذاب النار. أيها الإخوة والأخوات، أيام قليلة تفصلنا عن وقفة يقفها العالم أجمع، عن حدث يقف الناس من خلاله يتدبرون أحوال ما حققوا من حقوق وإنجازات وتقدم. وهذا اليوم بدأ للمطالبة بحقوق ليصبح يوماً عالمياً، إن شئتم يحتفل به الناس جميعاً. إنه فاتح مي، هذا اليوم الذي تقف فيه الشغيلة في العالم، ويقف العمال في العالم يطالبون بحقوقهم ويراجعون واجباتهم وما وصلوا إليه من إنجازات. هو يوم الشغل، أو سميه احتفال الشغل، أو عيد الشغل، أو عيد العمال، أو سميه ما شئت. المهم أنه يوم أصبح العالم يقف للمطالبة بالحقوق ولتسوية وضعية العمال، وذلك لما من قيمة للعمل في حياة الإنسان، وبما أن الإنسان المسلم جزء من هذا العالم، فلا بد أن دينه العظيم قد تعرض للحديث عن العمل وعن حقوق العمال وواجبات المستعملين وما ينبغي أن يكون عليه العامل المسلم حتى تكون عبادته له ولله عز وجل. فكيف نظر الإسلام يا إخوة إلى العمل؟ الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: وقل اعملوا، قل اعملوا جاءت مطلقة، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. دعوة إلى العمل، مع التنبيه على أن العمل مراقب ومحروس لتكون فيه النية صادقة، ثم تكون العودة إلى الله عز وجل ليجازى العامل على عمله. لقد حث الإسلام على العمل، وعني الإسلام عناية كبرى بالعمل، بل إن الإسلام جعل العمل مقدم على بعض العبادات غير المفروضة، حتى أن العمل يكاد في بعض الحالات يصل إلى درجة الجهاد. Le 1er mai, ça s'approche dans quelques jours. C'est la fête, disons c'est la fête. C'est la fête des travailleurs ou du travail. On ne va pas parler de l'historique de cet événement, mais on parle aujourd'hui, les ouvriers, les travailleurs, ils essayent de parler, de réclamer, de demander leurs droits, d'avancer, d'essayer d'améliorer leur situation. Et tout ceci, c'est très bien. Mais qu'est-ce que le travail ? Et comment le travailleur musulman doit se comporter ? Quelles sont ses obligations et ses droits ? Parce que malheureusement, nous aujourd'hui, on ne parle que de droits. On oublie les obligations, mais on ne parle que de droits. On va essayer à travers cette khutbah, incha'Allah ta'ala, de développer selon le temps, comment un travail de ce bas monde peut devenir une réussite et bénéfique pour l'autre monde, pour ce qui concerne le musulman et la musulmane. Je suis parmi ceux qui disent la femme doit travailler, s'il veut. Ce n'est pas une obligation, mais comme il veut, que comment il doit travailler, ça c'est autre chose. فالعمل إخواني يكاد يكون عبادة لماذا؟ لأن الإنسان يعول فيه عياله ويطعم فيه نفسه ليكون قادرا على مواجهة الحياة وقادرا على عبادة الله عز وجل. والإسلام يرفض الكسل والخمول والاتكال على الآخرين. جاء الإسلام ليأمرنا بأن نتحرك ونسعى أن نسير في الأرض وفي مناكبها ونأكل من رزقها ونبحث عن خيراتها فنستخرج ما في الأرض من خيرات لننفع بها العباد والبلاد. الإسلام لقيمة العمل أن الإنسان حينما يخرج من العبادة يؤمر بالإسراع إلى العمل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قضيت خلاص، قضيت الصلاة الانتشار، العمل الاجتهاد الكد، والمسلم ليس كسولا، والمسلم لا يحب الخمول، والمسلم لا ينبغي أن يمد يده. اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن يأتي الإنسان بحطب ويبيعه في السوق خير له أن يمد يده للناس أعطوه أو منعوه. الإسلام دعا المسلم إلى الحركة، دعاه إلى السعي في الأرض، دعاه إلى أن يأكل من جبين من عرق جبينه. لكن المتأمل اليوم في دنيا الناس يجد أن مجموعة لا بأس بها ممن لم يفهموا حقيقة الدين يتكلون ويعتمدون على العطاءات وعلى الهبات ويمدون أيديهم للمساعدة، في حين أنهم ربما شباب أقوياء يمكن أن يعطوا الشيء الكثير، وهذا لا يليق بالمسلم. Si l'islam nous a appelé à travailler pour éviter la paresse, pour que les gens ne soient pas fainéants, pour que les gens gagnent leur vie, et l'islam refuse les gens qui tendent la main pour demander des aides, surtout pour les jeunes. Et là, je parle jeunes, surtout certains malheureusement. Il fait ses calculs. Ils sont très forts dans les calculs de l'argent. Tiens, si je travaille, je vais gagner ça, mais je n'aurai pas ça, et je n'aurai pas ça, alors je préfère rester chômeur. C'est une fausse interprétation. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu travailles, tu dois déjà mettre dans ta tête que tu ne travailles pas que pour gagner l'argent. Tu travailles pour adorer ton Créateur, pour être avoir la capacité d'adorer ton Créateur. Et puis, comment toi, un jeune, ton papa qui est en retraite, qui attendait des années et des années, tiens, j'ai mon fils, peut-être il va être à ma place, il va s'occuper de ses petits frères et de sa maman. Et maintenant, non, lui aussi, il compte sur le papa. Lui aussi, il tend la main pour le papa. Ce n'est pas une bonne qualité pour un bon musulman. Un bon musulman, c'est quelqu'un qui est courageux, qui est actif, qui cherche du travail. Ne me dites pas qu'il y a un sous-travail. Tous les travaux sont meilleurs. Un médecin, il fait un travail extraordinaire. Mais la femme qui fait l'entretien dans son bureau, il fait un travail extraordinaire. N'oubliez pas ça. Il n'y a pas de sous-métier. Il y a ce qu'on appelle « je gagne mon salaire à la fin de mois grâce à Allah Azza wa Jalla pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jalla et pour nourrir ma famille. » Mais si je compte sur les aides, malheureusement, parce que si je travaille, ils vont me faire sauter la PL, ils vont me faire sauter, c'est pas toutes les aides qu'il y a, alors je préfère rester chômeur. Non, c'est une très mauvaise idée. Vous savez, psychiquement et physiquement, rien que le fait de sortir le matin pour aller travailler et de revenir à la maison, il a un grand effet sur la psychologie de l'individu et sur sa santé aussi, parce qu'il dit « j'ai une occupation ». Bon, on ne peut pas être tous des médecins, ni tous des avocats, mais on peut tous avoir un travail si on le cherche. Ah oui, il n'y a pas de travail. Si, on a mon frère. Cherche, tu l'as trouvé. Et le travail, quand on parle du travail, on parle de l'employeur et l'employé. Et là, c'est une autre histoire, mes frères, mes sœurs, étant donné qu'on travaille, on parle du travail. Il y a des employeurs, ils ne connaissent pas leurs droits. Et ils ne connaissent pas leurs obligations. Le travailleur, l'employeur, il emploie des salariés et cherche toujours les plus faibles. Malheureusement, je ne parle pas de la majorité, attention. Je dis un bon nombre de personnes, malheureusement, et qui font partie de la communauté, il faut le dire avec amertume. On ne peut pas se cacher la face. Malheureusement, il y a des petits chefs d'entreprise, de peinture, de bâtiments, des boulangers, ainsi de suite, qui ne cherchent que profiter des salariés. Tiens, il est dans telle situation, je profite. Je lui donne 2 sous et il est obligé d'accepter. N'oublie pas qu'un jour, tu vas le rencontrer devant Allah Azza wa Jalla. Et tu vas lui rendre ce que tu lui as appris. Et on a qui ne les payent même pas. Eh oui! Dans chaque mosquée où je rentre, il y a des gens qui viennent se plaindre. Oui, tu vois, monsieur X, il me fait travailler dans la peinture ou dans X travail, et il ne m'a pas payé. Il ne veut pas me payer, il me menace en plus. Menace-le, tu es fort aujourd'hui, mais demain tu ne seras pas fort. Et prépare-toi aux conséquences, attention. Allah Ta'ala n'oublie rien. Dans ce bas monde et dans l'autre. Alors, quand vous avez quelqu'un qui travaille pour vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a dit de prendre soin de lui. Ne le faites pas souffrir. Ne lui donnez pas un travail plus fort que lui. Je parle là aux inspecteurs de travail, de ménage, et les chefs de service, et les chefs de secteur. Un chantier où la femme, la pauvre, va faire 4 heures ou 5 heures. Il lui dit, non, tu le fais en 2 heures parce que madame telle, elle est prête à le faire en 1 heure. Et il fait la pression. Tout ça, c'est une mauvaise stratégie. Peut-être que tu vas gagner quelques sous, mais tu vas les perdre rapidement. N'oublie pas qu'Allah Ta'ala est derrière toi. Et n'oublie pas que tu prends la sueur des autres. Prenez soin de vos salariés. Ittaqullaha fil ummal. Ittaqullaha fihim. U'tuhum ajrahum. Inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul u'tul ajira ajrahu qabla an yajuffa araquhu. يا أخي كيف هناك حق أكثر من هذا ثم إذا كلفتموهم بمهمة أن تعينوهم عليها لا تكلفوهم ما لا يطيقون ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أما أنتم أيها العمال وهذا عيدكم أو احتفالكم اتقوا الله في العمل فكثير من العمال يخونون في أعمالهم إذا خرج من العمل إذا كان في الميناج يأتي بالغلو لبخدوي المدن سنساكي صار إذا كان في مخبزة يأخذ ما يشاء إذا كان في مجزرة والله الذي خلق السماوات والأرض إن أخذت شيئا بغير حقه ستندم يوم لقاء الله أي واحد des gens qui travaillent et qui essayent de voler l'employeur. On sort avec des tournevis dans la poche, on sort avec des roulants de papier et des produits de nettoyage. On sort. Wallahi al-Azim, toute personne qui prend quelque chose qui appartient à autrui sans demander, il regrettera. Ici et dans l'autre monde. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla il dit. On vous a demandé que d'être croyant et être sincère. Adorez Allah Ta'ala avec sincérité et comportez-vous avec la sincérité. Il faut être honnête. Le salarié doit être honnête. Arrive à l'heure et ne part pas avant l'heure. Il y a des gens qui arrivent, ils doivent commencer le chantier à 6h du matin. À 6h30, il est encore dans le métro. Wallahi al-Azim. Tu es en train de voler sans le savoir. Il doit quitter le chantier à 10h, il le quitte à 9h30. Il y en a qui travaillent dans des bureaux, ils arrivent à 9h, ils doivent être là à 8h30. Wallah, tout ça serait... Ne croyez pas que les gens qui mangent le haram seuls, ceux qui vendent de l'alcool ou de la drogue ou je ne sais pas quoi. Même quand tu es triste, tu es en train de manger le haram et tu donnes le haram à tes enfants. Soyez honnête. Travaillez avec qui que ce soit, musulman, un non-musulman, un croyant, un non-croyant, l'islam vous oblige à être honnête et ne pas tricher dans le travail et demandez vos droits. إذا كان الإسلام يدعو إلى الإخلاص في العمل وعدم الخيانة في العمل وأن لا تأخذ شيئا من بضاعة أو سلعة صاحب العمل فإن كذلك الإسلام يدعو صاحب العمل إلى أن يعد الساعة والدقيقة التي عملها العامل وأن لا يخون. Certains patrons quand l'ouvrier arrive en retard 10 minutes, il crie. Mais quand il le laisse dans le chantier 30 minutes après le travail qui est payé, il ne crie pas. Soyez honnête et correct. فإذلك سنسأل يوم لقاء الله عز وجل سيسأل العامل سيسأل صاحب العمل وسيسأل أيضا الذي يمد يده ولا يعمل. Celui qui tend la main pour demander des subventions et il a l'occasion de travailler, il serait questionné aussi. Profitez de la jeunesse, les jeunes. Profitez de la force. Ceux qui sont en retraite, ils vont vous donner des leçons. Ils ont bien compris la vie. Ils ont travaillé sincèrement, honnêtement. Et c'est grâce à Allah. Après eux, grâce à Allah Azza wa Jalla que vous êtes là, qu'on est là tous, nos parents, nos grands-parents, qui aimaient travailler et qui n'ont jamais cessé de travailler. Aujourd'hui, les jeunes, la plupart des jeunes ne travaillent pas. Moi, quand je sors le matin pour aller au travail à 8h30, à 9h, et je vois des jeunes dans la rue, ils sont assis, je dis, mais c'est pas possible. Mais il y a des occasions pour trouver du travail. Mettez-vous en groupe. Essayez de fonder des sociétés, des petites entreprises. Essayez d'être entrepreneur. Bougez un peu. Quelle harakati baraka. Mais restez chômeur une année, deux, trois, jusqu'à quand? Tu as 25 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans. Un jour, tu vas te trouver à l'âge de 50 ans, tu n'as jamais travaillé. Je ne dis pas travailler pour l'argent. Et quand tu travailles, tu dis je travaille pour Allah Azza wa Jalla. Parce que Allah Ta'ala m'a ordonné de travailler. فاحتفالنا نحن كمسلمين بالعمل وأن نراجع أنفسنا أولا. Qu'est-ce qu'on va faire nous les premiers mai? Le musulman et la musulmane. Je me mets en question. Je me remets en question en se demandant, attends, je travaille dans l'entreprise telle ou dans la société telle ou dans la boutique telle. Bon, ça fait une année maintenant le mois de mai. Est-ce que j'étais honnête? Est-ce que j'étais sincère? Est-ce qu'un jour je l'ai volé? Est-ce qu'un jour j'ai triché dans mon travail? Est-ce que et je me pose des questions. Si je trouve que, Dieu merci, j'avais la moyenne, 5-5, je dis Alhamdulillah. si je constate que j'étais pas honnête, j'étais pas juste, c'est le moment de travailler plus pour la personne et essayer de demander l'excuse même indirectement. Pourquoi ? Parce que c'est une lourde responsabilité. C'est pas parce que je travaille dans une association bénévolement que je dois faire n'importe quoi. Même si je travaille dans une association, même si je travaille bénévolement, il y en a des gens qui te disent hey, moi tu me payes pas. Oui, je te paye pas, mais mon frère, travaille correctement, travaille honnêtement, travaille sincèrement, ne gaspille pas. Tu es responsable devant Allah Azza wa Jalla. Les produits de l'association, tu es responsable si tu gaspilles. Et ainsi de suite. Et on doit apprendre à nos enfants d'aimer le travail et de commencer le travail dès que c'est possible. Et on incite ceux qui sont dans, qui aiment bien dormir jusqu'à midi, de se réveiller un petit peu à l'heure, d'aller chercher un travail. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de travail. Il y a du travail. Qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. لذلك لا بد من الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الدين الدين في كل شيء معنى بالدين هنا كل شيء أن تكون مخلصا في كل شيء أن تكون مخلصا في كل شيء وأن لا تضيع حقا وأن تطالب بحقك نعم من حق العامل أن يطالب بحقه بأدب ثم على المسلمين خصوصا فيما بينهم أن يبتعدوا عن كثرة المشاكل في المحاكم بسبب العمل حاولوا أن تحلوا المشكلة قبل أن تصلوا إلى المحاكم فقد يطول ويطول الأمر سنوات ولن يكون هناك رابح لذلك حاولوا أن من استطاع أن يبحث لأخيه عن عمل فليبحث له tu cherches sur internet t'as trouvé une offre d'emploi peinture, mais moi je ne fais pas la peinture, mais je sais que Mohamed Sad, mon ami Ibrahim, il est peintre. Je l'appelle tout de suite, mon frère, tiens, voilà une annonce, saute dessus. Voilà, c'est comme ça. وَنَّهَذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّةٍ وَاحِدًا فَلِذَلِكَ لَبُدْ أَنْ نَتَعَاوَنْ فِي مَا بَيْنَنَا وَيُعْطِي كُلٌ مِنَّا حَقَّهُ لِغَيْرِهِ وَلَا يَظْلِمْ بَعْضُنَا بَعْضًا لماذا؟ لأننا مسؤولون أمام الله عز وجل فنراجع أنفسنا في أعمالنا هل كنا فيها صادقين أم غير صادقين بدأ الوقت مع إرادة الله يزاحم أسأل الله عز وجل أن يوفق العمال والعاملين وأن يغفر لنا ولوالدنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله القائل إنما الأعمال بالنيات وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الكائنات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما دامت الأرض والسماوات عباد الله من وكل الله أمر عامل إليه فليحسن إليه ومن كان عاملا فليخلص في عمله واعلموا أنكم تسألون يوم لقاء الله عن أعمالكم الدنيوية والأخروية تؤدي بكم هذه الأعمال الدنيوية تؤدي بكم إلى نتائج أخروية من عمل عملا فأتقنه ولذلك اشترط الإسلام الإتقان في العمل ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون العمل متقن وأن يكون صالح وأن يقصد به وجه الله عز وجل اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتفرج كروبنا وتختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اهدنا لما فيه الخير اللهم اهدنا لما فيه الخير اللهم إن عبادك وإماؤك نسألك الرحمة يا رب العالمين ونسألك المغفرة يا رب العالمين واجعلنا صادقين في أقوالنا وأفعالنا اللهم وفق ملوك ورؤساء المسلمين إلى الخير اللهم اجمع شملهم ووحد صفوفهم اللهم بارك لنا في بلدنا هذا وارزقنا فيه الأمن والأمان وبارك لسائر أوطان المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظ شباب الأمة يا رب العالمين وبارك في شيوخنا وجازي خيرا إمام مسجدنا وعلماء مسجدنا والصاهرين على مسجدنا والصاهرين على كل المساجد يا رب العالمين اللهم هؤلاء الإخوة الذين جاءوا من مكان بعيد ليجمعوا تبرعات لمسجدهم اللهم لا تخيب ظنهم اللهم لا تخيب ظنهم اللهم ارزقهم الأجر الكبير يا رب العالمين إخوانكم خارج المسجد ينتظرونكم والله حكى لي أحدهم ليس لهم فرش يصلون عليه أحسنوا إليهم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سنحضر جنازتين نسأل الله تعالى أن يرحمهما وأن يختم لنا ولجميع المسلمين بحسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.